Soyez les bienvenus sur Radio G, la radio angevine. Air d'Afrique, le rendez-vous incontournable de la musique africaine sur Radio G. Air d'Afrique avec Paul Brou. Salut, salut, c'est Fada Freddy. Salut, salut, c'est Ndongo D. Nous sommes les Daradji Family. Vous êtes sur la radio G. Aïe, et d'Afrique. Run it. Parce que ça, c'est du futur. Et ça, c'est le futur. Et ça, c'est le futur. Et ça, c'est le futur. Avec la musique, nous. Et quand nous naissons avec la musique. Parce que la musique, elle est permanente, quoi. Et même quand on meurt, c'est la musique qui me procurait la joie, le son. J'avais un copain qui avait une magnifique voix basse. Sa basse. Mais elle, vraiment, elle m'interpellait. Je courais après lui pour qu'on puisse chanter à deux pour que j'entende la basse. Francis était en avance, il était notre maître. Vraiment, on jurait, on dormait, Francis bébé, tout ça. Et c'est lui qui m'a initié précisément aux 12 mesures du blues, hein, qui m'a fait connaître l'univers de Duke Ellington et tout ça. Je suis content parce que c'est quand même un compatriote qui m'a fait connaître ça. En raison de la situation liée à la crise sanitaire Covid-19, notre équipe Air d'Afrique vous propose une émission enregistrée. Prenez soin de vous et des autres. Merci. Oui, vous avez bien fait de choisir Radio G pour écouter la musique d'Afrique. Je vous salue tous dans le monde entier. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter sur radio-g.fr. La musique d'Afrique prend ses droits. Ravi de vous retrouver, chers amis, et merci d'être avec nous dans Air d'Afrique. Notre émission vous invite à découvrir toute la grande diversité musicale et les styles ou genres. Pour cette nouvelle émission, on aura de belles surprises et de la musique bien sûr dite urbaine. On s'arrêtera dans quelques instants dans la parole à l'artiste pour faire connaissance avec l'artiste, chanteuse, interprète et musicienne Ivy. Je chante et je suis capable de faire un reggae mélangé avec d'autres instruments qui n'a rien à voir avec le reggae, par exemple. Donc ouais. Je pense que c'est ça la beauté de la musique, ça doit pas être figé, ça doit être quelque chose qui bouge dans tous les sens. Restez avec nous et vous aurez la suite. Tout est dit et place maintenant à la musique. Aucun artiste ne mérite la prison pour ses œuvres. Tout le soutien de notre équipe Air d'Afrique à Yodé et Siro. En Zouglou, on dit que Bé est mieux que Dra. Allez, on ajoute une couche avec ce single qu'on appelle Héritage. Tout le monde suit la piste. Président Ian Philippe, Fatima Kaba, Ams Amadou Koulibaly, Jean-François Vontron, Nane Pieye, Ite Anyantou Niman Foule Yo, Lile Yaou, nane piye ye ite anya du ni ma vule yo lele ya o nane piye ye ite anya du ni ma vule yo lele ya o nane piye ye ite anya du ni ma vule yo lele ya o. Notre bien commun, mon bien le plus précieux. Quelle nation je laisserai à mes enfants? L'ogre tout noyé. Et dans quel état? Nan et pié. Ate a n'a tout ni ma foule yo. Lele yao. Nan et pié. Ete anya tu ni ma fule yo lele ya o est la vie de mes parents et c'est le bien le plus sûr que je laisserai à ma descendance. Mais quelle nation, dans quel état, si pour mes intérêts, si pour mes intérêts je dois prisonner mes frères. Landry Diambra, l'idole impérial, Drissa Zongo. Si vous demeurez à mon poste, je dois brûler l'héritage de nos pères. L'union, la discipline et le travail. Un épiaïa et un yatouni m'a voulu. Mais quelle nation, dans quel état, c'est que je refuse de voir de mes yeux de grand-père que mes fils sont devenus des pères. Deux fois Bacchus. La valeur du pardon se mesure à la gravité de la faute pardonnée. Charles Blégoudé. Hey, que diront nos ancêtres de ma gestion de notre héritage? Et mais c'est bien dit à Zambibalo, c'est notre pays, oh, c'est notre pays, oh, yeah. Hippo Roland. On ne brûle pas son pays, oh, son pays, oh. Ahmed Kanate, c'est ton pays, oh. Saero, c'est ton pays, oh. Nassé Diallo. Mon pays, oh. Kibril Ouattara, c'est ton pays, oh, yeah. C'est ton pays, oh, yeah. Mon pays, oh. La Mamoussa, c'est ton pays. Les artistes sont les ambassadeurs de leur pays. Ils sont même les plus populaires que les hommes politiques. Nos amis, nos collaborateurs sont la voix du peuple. Respectons-les. Oui, respectons-les. Yodé et Siro, force et courage. Force et courage aussi à tous les autres artistes du monde entier emprisonnés par les dirigeants de leur pays. Soyons toujours prudents, même si le vaccin est là. Respectons toujours les gestes barrières. Et nous continuons la sensibilisation sur la COVID-19 avec ce titre, ce single sorti tout récemment du côté de la Casamance par notre ami Fred Alouloum, qui vient de sortir son nouvel album et qui se nomme Corona. Un album avec un mélange de chansons françaises et musique afro. Et c'est sur cet album, un album de 7 titres, que nous avons tiré le titre Corona pour continuer toujours la sensibilisation. Chers amis, on danse, mais toujours en respectant les gestes barrières. Nous vous aimons. Corona. N'aie pas peur de l'attraper. Toi qui es en bonne santé, par contre toi, tu peux tuer. C'est pourquoi reste confiné. Un seul cas dans un pays et tout s'arrête, c'est de la folie. On bloque l'économie, les avions et compagnie. Pourtant, 25 000 meurent chaque jour. Pas du corona, mon amour, mais de la faim et ce destin. Mais ça a l'air compté pour rien. Je ne peux imaginer. C'est la nature qui l'a créé. À cette vitesse propagée, parcourant le monde entier. Les gouvernements mobilisés, état d'urgence proclamé, confinement imposé, tous les commerces fermés et toutes les journées chômées. Dans 25 000 meurent chaque jour. Pas du corona, mon amour, mais de la faim et ce destin. Mais ça a l'air compté pour rien. Corona a mis des enfants qui le transportent allègrement, faisant peur à nos dirigeants, car ils s'attaquent même aux puissants. Ils seront obligés de cracher l'argent et de changer de comportement. Corona révolutionnaire pour un nouvel ordre planétaire. N'aie pas peur de l'attraper. Toi qui es en bonne santé, par contre toi, tu peux tuer. C'est pourquoi reste confiné. La santé doit être priorité. La faim dans le monde éliminée. Notre planète protégée. Et toutes les guerres arrêtées. Mais aux hommes qui l'ont emporté seront les témoins de notre méchanceté. Ils feront prendre conscience de notre incompétence à prier Dieu et à vivre ensemble. Pourtant, 25 000 meurent chaque jour. Pas du corona, mon amour, mais de la faim, triste destin. Mais ça a l'air compté pour rien, pour rien. Compté pour rien. Les morts de faim, vous comptez pour rien. Les morts de faim, vous comptez pour rien. Corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona. Nous vous présentons deux belles voix de la musique africaine qui se mélangent pour chanter une fois encore l'amour. Il s'agit de Charlotte Dibanda, la mélodieuse chanteuse camerounaise, et Singila, le Congolais surnommé le Rossignol. Ils se mettent ensemble pour chanter Cœur en cage. Cœur en cage, c'est pour vous, avec ce duo inévitable. La vérité finit toujours par se savoir, oui, on le saura un jour. Bon, pour le moment, nous sommes toujours à la musique. Nous vous aimons, nous vous saluons. Portez-vous bien et bon dimanche à tous. C'est Air d'Afrique sur la radio G, Lester Bilal en direct live, c'est pour toi et toi qui écoutes. Yes, I. On cinéma, moi, mille amis en cage. Pour toi, je veux ouvrir la page. J'avoue, j'avais promis du repos à mon cœur. Mais toi, tu ouvres une nouvelle page, bébé. Maman, je te promets d'être cette épaule sur laquelle tu peux te poser quand tout va mal. Faudra me pardonner si je manque d'écoute. Fais-moi juste un peu la morale. Onongi moule mamoua mila mi en cage. Bébé, pour toi je veux ouvrir la page. Ozoui mote mananga en pilotage. Bébé, pour toi je veux ouvrir. Bébé, tu lis au moins comme un livre ouvert. J'ai douté à tort, je sortais d'un calvaire. Je m'étais promis, je te reconnaîtrai quand tu viendras à moi, quand t'es là mon cœur s'appelle. On n'en guit moulé ma moi, mille amis en cage. Bébé, pour toi je veux ouvrir la page. Je veux ouvrir. Yeah. étions avec Zekia Abogourin, alias Olade, ex-membre du groupe Teriba du Bénin. Elle valorise la culture africaine à travers sa magnifique voix sur ce titre, Bessou, que nous venons d'écouter. Bessou, qui est une incitation au respect des lois et principes universels de la nature, afin de ne pas subir ou de se voir être puni par elle. Cette chanson, ce single, fera plaisir aux membres de l'ONU surtout et aux membres de la Convention des cadres des Nations Unies sur les changements climatiques. Merci, petite sœur, de changer le monde. On continue toujours dans cette ambiance africaine. Aide Afrique et les nouveaux sons avec les artistes d'aujourd'hui. Voici Robinho Mondibu, le chanteur qui a grandi dans la rumba et flirte aujourd'hui avec l'Afro House. Depuis 2014, il enchaîne les succès. On l'écoute ici dans Tonight, un Afro Pop, le nouveau second single de l'album à venir qui s'appelle Noir Blanc. Je vous ai bien eu. La soirée est longue, sinon on va se fatiguer. Doucement tout dosé. Ce soir Ushimata est vraiment autorisé. Je vais tout donner. Je suis le leader, donc viens me couronner. On s'est pas trompé. Croyez-moi, c'est pour la vie qu'on se laisse pas tomber. Choix de moi, serre-moi dans tes bras, ne me lâchez pas. Ma chérie, approche-toi de moi, serre-moi dans tes bras, ne me lâchez pas. De tempo pour aller dans l'afro reggae et on se fait plaisir avec Man Wazimu, un artiste reggae basé à Nairobi, une voix et un style unique. Son partenariat avec Roba, son producteur, a donné des chansons comme Witnex, Over Kenyans, Airtime, qui fait partie du top 20 des artistes reggae émergents au monde. On écoute ici son tout nouveau single qui s'appelle Exodus 15. Restez avec nous et juste après ce titre, vous aurez la parole à l'artiste avec la chanteuse Aïe. I will sing unto the Lord, voyant triumph gloriously. The horse and his rider had the throne into the sea. The Lord is my strength and song, and he is become my salvation. He is my God. Avec Paul Brou, l'aimable sur Radio G. Voilà, nous y sommes. Bienvenue au rendez-vous de la parole à l'artiste qui vous permet de mieux connaître les artistes. Pour ce dimanche, nous recevons pour vous l'artiste chanteuse, interprète et musicienne Ivy. Elle nous révèle ses multiples facettes d'artiste. Cet entretien a été réalisé par notre équipe au téléphone. Veuillez nous excuser, chers auditeurs, pour la qualité du son. On écoute Ivy. Bonjour Ivy, merci d'être avec nous sur les antennes de Radio G. Comment allez-vous? Oui, bonjour Paul et bonjour chers auditeurs. Donc, je me porte très très bien sous le soleil de la Guadeloupe. Oui. Mais c'est un magnifique soleil ce matin, donc je suis déjà très joyeuse. Avec ce temps de crise sanitaire, comment vivez-vous la situation musicale à votre niveau? Je pense que c'est pareil qu'à Paris, hein. Donc il y a presque plus de spectacles, on ne peut plus rien faire, donc tout se fait sur les réseaux internet, hein. Oui. On n'a plus de possibilités, et donc on doit attendre que le Covid parte pour pouvoir mieux en profiter en tous les cas de sa musique. C'est pas évident du tout, hein. Oui. Bon, pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, tout à fait. Donc, je suis originaire de la Guadeloupe. Donc, je suis née en Guadeloupe, et département d'outre-mer. Et donc, je suis venue très tôt en métropole, en région parisienne. Oui. Où j'ai passé pratiquement toute ma vie, une bonne partie de ma vie en tous les cas. Et puis après, il y a 3 ans, j'ai décidé de retourner aux Antilles, donc en Guadeloupe. Ouais. Où je suis vraiment très ravie d'y être. Oui. Et donc, je suis une chanteuse guadeloupéenne, puisque je faisais déjà de la musique en région parisienne. Hein. Donc, j'ai sorti auparavant 2 albums, et là, j'ai sorti un single en Guadeloupe, En son tombeau, qu'on aura l'occasion de découvrir. Donc, c'est moi, c'est ça. Et je suis aussi partie en Angleterre, entre-temps aussi, 3 ans là-bas, où j'ai vécu, où j'ai aussi travaillé ma musique. Donc, ça a vraiment été très enrichissant de vivre en Angleterre et de vivre aussi en région parisienne. Vous êtes chanteuse, vous chantez pour dire quoi à ceux qui vous écoutent? Mais je chante un peu de tout, je chante surtout, j'envoie surtout des messages d'humanité, hein. C'est des chansons, j'ai fait un premier album de Zouk où je parle beaucoup de l'amour, parce que quand même l'amour c'est important dans ce monde, oui. Ça se perd peu à peu malheureusement, mais ce sont des valeurs qu'il faut garder, et donc je parle de différents sujets, donc En son tombeau qui est une chanson créole, je parle aussi de cet instrument qui a été créé pendant la période de l'esclavage. Et donc, je trouve que c'était important de parler de cela. Et ça fait aussi référence au Groucha, qui est une musique anti-guadeloupéenne et qui a été classée au patrimoine de l'UNESCO. Donc, je parle de différents sujets qui touchent un peu tout le monde. Puisque je suis auteur-compositeur, donc j'écris mes propres chansons et je compose aussi ma musique avec ma guitare. Donc, je me débrouille à la guitare. Donc c'est cela. Et je suis aussi, comme je le disais, donc autoproductrice aussi de mes albums. Hein, donc, je gère tout à l'heure actuelle. Oui. Et ça se passe pour le mieux. Mais à vous écouter, il est difficile de vous coller une étiquette à toute votre composition. Quel style vous influence? Quel style faites-vous exactement? Ben, je chante de tout. En fait, j'aime chanter ce que j'ai envie de chanter. J'ai pas envie qu'on me mette dans une boîte en disant ça y est, elle est une chanteuse de zouk. Non, je suis pas une chanteuse de zouk. Oui. J'aime beaucoup le zouk. Oui. Mais je chante un peu de tout. Donc, je chante de la variété française, je peux chanter du gospel, je chante aussi de la musique traditionnelle antillaise. Donc, il n'y a pas une étiquette. Si on devait me donner une étiquette, je suis la chanteuse qui est très hétéroclite, qui chante de tout, tout ce qu'elle a envie de chanter. Donc, je ne me fixe aucune limite. Peut-être la seule limite, c'est le rap. Je ne pourrais pas chanter du rap. Oui. Mais sinon, je chante tout ce que j'ai envie de chanter. Quand je me mets à composer à la guitare, il y a des mélodies qui viennent dans ma tête. Et puis, je me dis, ça, j'ai bien envie de chanter en anglais aujourd'hui, ou bien je chante en français, je chante en créole, ou j'ai bien envie de faire une musique un peu zouk ou la variété française. Donc, ce sont les mélodies qui viennent à moi et je fais ce que je ressens. J'écris ce que je ressens, en tous les cas, musicalement. Et ce que vous chantez vous ressemble ou... Mais disons que ce que je chante me ressemble puisque je chante ce que j'ai envie de chanter. Je pense que si je voulais être dans un domaine complètement commercial, je ne serais que dans un style pour toucher une catégorie de public. Mais j'ai fait le choix de chanter ce que j'ai envie de chanter en espérant que ça touchera un petit peu chaque public. Donc, j'aime cette liberté que je me suis donnée de me dire que si demain j'ai envie de créer une chanson de zouk, je ferai du zouk. Si j'ai envie de faire de la soul demain, je ferai une chanson de soul. Et j'aime bien faire des mélanges parce que je trouve que la musique, c'est un mélange, c'est un tout. Et je suis capable de faire un reggae mélangé avec d'autres instruments qui n'a rien à voir avec le reggae, par exemple. Donc, je pense que c'est ça la beauté de la musique. Ça doit pas être figé. Ça doit être quelque chose qui bouge. bouge dans tous les sens. Mm-hmm. J'ai chanté aussi à un moment donné un peu la musique aussi africaine. Et avec, qui avait un côté en même temps, je vais dire, européenne, quoi. Donc, où j'ai chanté en français, donc je fais un mélange de tout. Et quels sont les thèmes récurrents dans vos créativités? Les thèmes récurrents, comme je disais, c'est surtout des messages d'humanité. Je parle beaucoup d'amour, quand même. Hein. Oui. D'amour, des difficultés. Je parle aussi de l'unité. Qu'on soit plus unis, parce que j'appelle souvent à tout le monde à devenir plus unis. Être dans la compréhension. Je parle aussi de l'argent. Oui. En expliquant l'argent n'apporte pas tout, hein, parce que il faut surtout se créer le bonheur parfois sans attendre que l'argent ne nous l'apporte. Hein. Il y a l'amitié, il y a l'amour, il y a tout ça qui nous environne. Ou avec cela, on peut créer le bonheur. Mm-hmm. Donc, je parle de différents thèmes. Je me surprends chaque jour parce que aujourd'hui, je peux écrire une chanson qui n'a rien à voir avec ce que j'écris d'habitude. Et c'est l'inspiration vient comme ça. Je peux parler des difficultés de la vie aussi. Mm-hmm. Et après, proposer des solutions à la fin de la chanson en disant qu'il faut tenir bon, que ce n'est pas facile. Il y a différents thèmes. Je dirais que si je devais globaliser, le thème de mes chansons, c'est la vie. Tout ce qui se passe dans notre vie quotidienne. D'accord. Exactement ça. Oui. Et vous êtes aussi enseignante, je crois. Oui, tout à fait. Oui, et pourquoi? J'essaie d'aller les deux à la fin. Ouais. Et pourquoi vous avez choisi la musique pour faire passer vos messages? Il n'y a pas autre lien? Par exemple, faire des livres, faire du théâtre ou faire autre chose pour faire passer le message? Pourquoi la musique? Bien sûr, je fais autre chose, puisque je fais de la peinture aussi. Ah oui. Je n'ai malheureusement pas le temps de m'adonner complètement à cette activité que j'apprécie, mais je fais de la peinture. Oui. Je dirais que la première activité que j'aimais, hein, quand j'étais petite, c'était le dessin. Donc, depuis très jeune, je dessinais. Oui. Et d'ailleurs, je voulais devenir dessinatrice, hein, donc c'était à ce à quoi j'aspirais. Mm-hmm. Il y avait la musique aussi. Et puis, j'ai écrit un livre aussi, donc je tiens à le préciser. Ah oui, d'accord. Le livre a été amené depuis 3 ans. Je dois m'occuper de l'édition du livre, ce sera un livre qui sera illustré. Oui. Et c'est un livre qui parle aussi de ma culture, hein, culture guadeloupéenne, donc il y a, je dirais pas plus, mais j'écris aussi à côté, donc je fais passer des messages. Mm-hmm. Et par mon métier d'enseignant aussi, je fais passer des messages à mes élèves en leur rappelant des valeurs. Mm-hmm. Parce que c'est lorsqu'on a des élèves, on est non seulement enseignant, mais on est aussi dans l'éducation. Oui. Donc rappeler les élèves l'éducation, comment se tenir en classe, comment avoir une bonne attitude. Yeah. Donc moi je suis vraiment là pour œuvrer, pour faire du bien. Moi je veux apporter du bien, du bonheur et faire comprendre à tout le monde, que ce soit aux élèves, qu'il faut se respecter les uns et les autres pour que tout se passe au mieux, et c'est ce à quoi j'aspire dans tout ce que j'écris en tous les cas. D'accord. Est-il facile de faire de la musique? Disons que c'est pas une question de facilité. Pour moi, je dirais que c'est plus une question de disponibilité. Ah oui. Parce que si j'avais la possibilité de m'adonner complètement à ma peinture, j'aurais fait. C'est que je ne peux pas faire tout en même temps. Mm-hmm. Ça. Mm-hmm. Mais la musique, c'est pas une question de facilité, parce que c'est tout un travail. C'est long, au contraire. Je trouve que c'est plus difficile. Mm-hmm. Puisqu'il faut commencer déjà à écrire les paroles, les textes, et puis composer la musique. Il faut avoir différents instruments aussi, réfléchir aux instruments qu'on va mettre dans la musique. Après, il y a tout le travail en enregistrement aussi, et la voix. Et puis après, il y a le clip vidéo aussi qu'il faut faire, parce qu'il faut se faire connaître. Il y a toute une promotion qu'il y a derrière. Mm-hmm. La musique, c'est pas quelque chose de figé où on va dire, ça y est, le public va l'écouter, ça s'arrête là. Mm-hmm. Il y a tout un travail de promotion qui est énorme, et c'est là que je me rends compte que le travail le plus difficile, c'est la musique. Entre le livre et la peinture, pour moi, c'est la musique qui est beaucoup plus difficile. Si je devais parler de difficultés en termes de promotion, en termes de travail, ce serait la musique. Mais après, quand on aime, on ne trouve rien difficile. Merci. On trouve que c'est que du plaisir. Des conseils pour des gens qui veulent faire comme vous, faire de la musique? Mais je dirais à ces personnes de ne jamais abandonner. Oui. Ça fait longtemps que je suis dans la musique. Mm-hmm. Ne jamais abandonner. Mm-hmm. Et puis si c'est ce qu'ils ressentent, qu'ils le fassent. Mm-hmm. Et même s'ils n'ont pas tout le public qu'ils souhaitent, rien ne les empêche de jouer, hein, de jouer devant un petit public, de jouer sur un espace public. Moi, j'aurais été capable de chanter, de prendre ma guitare, d'aller au centre-ville et jouer devant tout le monde. Parce que c'est ça le plaisir de la musique. Mm-hmm. C'est qu'on n'a pas besoin forcément d'être connu pour avoir du plaisir. Mais le plaisir vient déjà d'abord par ce qu'on va faire musicalement, de ce qu'on va produire. Mmh. Mais si quelqu'un devait produire bien évidemment un album, je lui dirais attention, il y a tout le travail à faire derrière. Mmh. Alors prépare-toi, parce que rien ne se fait sans argent. Mmh. Il faut payer, hein, il faut payer bien sûr pour dans un studio d'enregistrement, il faut payer pour l'album, il faut payer pour tout, c'est beaucoup de dépenses. Et donc il faut penser à tout ça, il y a toute la promotion à faire aussi qui est énorme. Donc être conscient que ce n'est pas juste faire un album, il y a toute une promotion à faire derrière pour se faire connaître, passer dans les radios, et c'est un travail énorme. C'est éreintant, mais c'est du plaisir. On revient à votre discographie. Combien de disques avez-vous actuellement? Donc, comme je disais, j'ai chanté d'abord sur des compilations de Zouk en 2000, après avoir passé 3 ans en Angleterre. Donc, je suis revenue en région parisienne en 2000. Donc, j'ai chanté sur 2 compilations de Zouk. Artistes m'ont proposé, un artiste m'a proposé, Fred Bigger, m'a proposé de venir chanter sur ces compilations de Zouk. Et après, je me suis décidée à faire mon propre album, À cœur ouvert, le premier album que j'ai autoproduit en 2010. Et puis, j'ai fait un second album en 2015, qui s'intitule Révélation, Revelation. Un double terme en français un et en anglais. Et que je chante en français, en anglais dans cet album. Et donc c'est le deuxième album. Et là, actuellement, j'ai sorti un single, Enfant tombeau. C'est juste un titre. Il y a d'autres titres qui sont en enregistrement studio, puisque j'espère faire en sorte que ce single devienne un album et qu'il ne reste pas qu'un single, en tous les cas. Donc à mon actif, je dirais que j'ai 2 albums et un single actuellement. Et j'ai 2 musiques en enregistrement en studio. Ce single que les auditeurs de Radio G aiment bien, je ne sais pas si je vais bien prononcer le nom, c'est Enfant tombeau. C'est ça? Exactement, parfait, bien, voilà. Enfant tambour, ça ressemble au français, on voit bien qu'il y a le mot tambour dedans. Oui. Donc c'est un son, le son du tambour, donc je réclame dans toutes ces chansons qu'on me joue du tambour, hein, parce qu'il faut savoir qu'on voit du tambour. Il y a des joueurs de groka, donc le groka c'est un tambour, le gros tam-tam là, oui. Et donc il y a des spectacles où ces personnes jouent, parfois en plein milieu de la rue, et des personnes les entourent et viennent danser autour du son du groka. Et c'est ça à quoi je parle dans ma chanson. Et comme je le disais, je faisais référence à l'esclavage, pendant la période de l'esclavage, donc c'était une période très difficile quand même en Guadeloupe pour les esclaves. Et donc ils trouvaient le moyen d'avoir du plaisir à travers du tombeau, le tombeau qu'ils avaient créé. Donc c'était un tonneau à la base, le tombeau ça vient d'un tonneau qu'ils utilisaient, c'est un tonneau qui permettait de stocker la viande. Et donc ils prenaient ce tonneau, ils mettaient des peaux de chèvre, une peau de chèvre dessus, qu'on dit cabri, donc c'est une peau de chèvre. Donc ils le recouvraient dessus et le soir il jouait, il dansait devant cet instrument. Et donc dans dans cette chanson je parle de ça, je fais référence à notre vécu, à notre histoire en tous les cas de la Guadeloupe, où je réclame qu'on me joue cela. Donc c'est un instrument qui représente non seulement la souffrance, puisqu'il y a eu la période de l'esclavage, mais aussi du plaisir, puisque c'était le seul moment où pouvoir avoir du plaisir, c'est en dansant devant cet instrument. Ok. Nos auditeurs, surtout les Malgaches, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Camerounais aiment bien ce single. Comment est-ce qu'ils peuvent l'avoir? Donc c'est une musique qui est disponible en téléchargement uniquement légal. Oui. Une plateforme de téléchargement. Oui. Donc il suffit qu'ils cliquent mon nom. Oui. Ivy, donc je précise, c'est Ivye. Oui. Avec Enfant tombeau, et ils peuvent le trouver partout sur Internet. C'est vraiment très visible. C'est aussi, il y a des liens qui sont mentionnés sur le clip. Excusez-moi, on reprend tranquillement et tout doucement votre nom. Donc c'est A. Oui. Ima. Oui. I avec 2 points. Oui. Ima. Oui. V. Oui. V comme Valérie. C'est oui. Y. E. Oui. Donc c'est ça mon nom. Donc c'est Ivye. Oui. Il suffit qu'ils écrivent mon nom, même s'ils font des erreurs, ça va être reconnu. D'accord. Internet reconnaît les erreurs aussi. Oui. Écrit Enfant tambour, donc c'est Enfant, c'est A-N-S-O-N, tambour, T-A-N-B-O-U. Mais s'ils tapent mon nom, déjà ça va apparaître directement. Et donc ils peuvent voir le clip, et sur le clip il y a les liens justement qui permettent de pouvoir se procurer mon titre. Et c'est partout sur Internet. Et donc mon Facebook c'est Ivy Chanteuse, c'est A-I-T-R-E-M-A, V-Y-E, Chanteuse. Donc ils peuvent me joindre aussi sur ma page Facebook. Donc le titre est disponible un peu partout, donc pas physiquement en tous les cas, mais uniquement téléchargement pour l'instant. Et l'album Révélation, comment est-ce qu'ils peuvent aussi l'avoir facilement en physique? Disons que l'album, comme il n'est pas encore prêt, oui, que je vais être en studio d'enregistrement là prochainement, parce que j'ai déjà commencé en tout cas l'enregistrement. Oui. Donc je verrai au moment venu, puisque vous savez qu'il y avait un grand distributeur antillais, oui, qui était renommé, oui, en Guadeloupe en tous les cas. Mm-hmm. Et de la Guadeloupe, depuis des années, on passait par ce grand distributeur, et ce distributeur a fermé il y a à peu près, je crois, 2 ou 3 mois, mm, mois, je pense. Donc on ne peut plus passer par lui, donc il faut qu'on trouve d'autres alternatives, puisque j'ai parlé de Debs, hein, donc c'est Debs, le distributeur antillais de musique, qui a fermé ses portes à cause justement du Covid. Hein. Du Covid, oui. Ça a été très triste pour nous, pour nous, les artistes antillais ou tout artiste qui avait l'habitude de passer par lui. Ben, il faudra trouver d'autres alternatives pour produire l'album physiquement et de trouver un distributeur justement pour pouvoir distribuer cette musique un peu partout en France et aux Antilles. Mais bon, c'est quelque chose que je vais devoir voir, trouver d'autres alternatives en tous les cas. Oui. Au moment venu, tu seras au courant, Paul, hein, je serai au courant, bien évidemment, et ce sera avec plaisir en tous les cas. D'accord. Guadeloupe, métropole et puis l'Angleterre, qu'est-ce que vous avez appris musicalement dans ces trois pays ou bien dans ces lieux que vous avez vécu? Donc en Guadeloupe, bien sûr, j'ai débuté, on écoutait tous Kassav, hein, le grand groupe de Zouk. Kassav qui a créé le Zouk d'ailleurs, donc c'est tout ça que j'ai appris. Hein. Oui. C'est une diversité de musique en Guadeloupe, hein, donc le Zouk est prédominant. Mm-hmm. Et puis en France, c'est la variété française. Ceci dit aussi, on écoute la variété française aussi en Guadeloupe, hein, parce que c'est quand même un département français. Oui. Et donc en France, c'est la musique, la variété française, et en Angleterre, la musique anglo-saxonne. Donc je chantais là-bas en anglais. Mm-hmm. Quand j'ai vécu 3 ans là-bas, donc je tiens à préciser, donc j'étais en colocation, et donc un de mes colocataires justement avait un piano, il avait amené son piano dans la maison, donc il jouait du piano, et là je chantais énormément. Ah oui. Et je me suis mise à chanter des chansons en anglais, donc ça a été vraiment très stimulant. Et puis j'ai rencontré aussi une copine, enfin une Allemande, oui, qui jouait de la guitare, mm-hmm, et c'est comme ça qu'elle m'a montré la guitare, elle m'a fait découvrir la guitare, donc pour moi tout a commencé réellement musicalement là-bas en Angleterre, puisque après, je me suis acheté un piano et une guitare. Mm-hmm. Je ne savais pas jouer du piano, mais je me suis jeté dedans. Ah oui. Je me suis dit, ça y est, je m'achète mon piano. D'accord. J'ai essayé de jouer, même si je me débrouillais. Pareil pour la guitare. Et puis, et c'est là que j'ai commencé à écrire mes chansons. C'est en Angleterre, j'ai commencé à écrire tous mes textes, mm-hmm, en français, en anglais et en créole. Et je suis venu après en France pour pouvoir travailler sur toute cette composition. Et pourquoi avez-vous décidé de retourner en Guadeloupe? C'est pour des raisons professionnelles ou bien pour la promotion de vos œuvres? Disons que je suis venue définitivement en Guadeloupe parce que quelque part, oui, à un moment donné, ben, les sources, ça nous rappelle. C'est-à-dire qu'on ressent le besoin de retourner aux sources. Oui. J'ai quitté la Guadeloupe très jeune pour des raisons familiales. Mm-hmm. Et donc j'ai passé toute une partie de ma vie en France où j'ai été très heureuse puisque la France m'a apporté beaucoup de choses. Mm-hmm. Mais à un moment donné, on sent qu'on n'est pas complète, on sent qu'il manque quelque chose. Oui. Et je ressentais depuis quelques années l'envie de retourner en Guadeloupe. Je disais que la Guadeloupe m'appelait. Et je me disais, j'ai envie de retourner au sud, j'ai envie de retrouver mes racines, j'ai envie de découvrir tout ce que je n'ai pas eu pendant toute une partie de ma vie. Mm-hmm. Et donc j'ai demandé une mutation pour la Guadeloupe, hein, en tant qu'enseignante. Donc j'ai obtenu rapidement la mutation. Le jour, l'année même où je l'ai demandé, je l'ai obtenu. Et depuis que je suis en Guadeloupe, je suis vraiment très heureuse. Mm-hmm. C'est comme si j'avais perdu une partie de moi et je l'ai retrouvée. Donc je parle beaucoup plus créole qu'avant. Ah, oui. J'ai retrouvé la langue. Mm-hmm. Puis je me sens encore plus proche de mes racines puisque j'ai découvert aussi, j'avais fait un arbre généalogique. Oui. Et j'ai découvert que mon premier ancêtre, bien sûr, était africain. Mm-hmm. Il était esclave. Oui, oui. Et j'ai trouvé ça très intéressant pour moi de retourner dans mon île, de retrouver un peu ses racines et pouvoir commémorer tout cela. C'est important et, parce qu'on a eu tendance à oublier cette histoire-là et je pense que c'est une histoire importante. Et c'est ça que je retrouve en Guadeloupe. C'est mon histoire, c'est toute une partie de moi, c'est ma culture. Et je suis vraiment très épanouie d'être retournée. Et comptez-vous revenir ici en métropole, surtout dans la ville d'Angers, pour faire un spectacle? Oui, c'est tout à fait envisageable. J'étais en métropole l'année dernière. Mmh. Donc je dirais même que j'étais en région parisienne. J'étais même dans le sud de la France. Donc j'ai fait aussi la Bretagne. Donc j'ai joué, oui, tout à fait faisable. Hein. C'est pas un lieu inconnu pour moi, la métropole. Donc je peux venir sans problème. Et puis, quand j'ai fait mon premier album déjà, je me déplaçais déjà un peu partout. Oui. Mais je pourrais, oui, Il n'y a aucune barrière pour moi. C'est la seule barrière, c'est le Covid. On dit maintenant la Covid. Donc c'est la Covid, mais sinon, oui, tout peut être envisageable. Et les promoteurs d'Angers, oui. Les promoteurs d'Angers qui veulent avoir vos contacts pour que vous veniez jouer un jour à Angers, comment est-ce qu'ils peuvent procéder? Oui, donc comme je disais, tous mes contacts sont sur le clip. Donc oui. J'ai tout mis. Hein. Donc oui. Dans le clip qui est diffusé sur YouTube, oui. Il y a toutes mes références. Il y a mon Facebook, il y a mon, j'ai mis mon adresse email aussi. D'accord. Qui est mentionné. Donc c'est IG Music. Oui. C'est IG Music, mais ils peuvent le voir directement. @ Outlook.com oui. Sinon ils vont directement sur ma page sur le clip ou sur YouTube, ils peuvent me contacter facilement, donc je suis facilement joignable. Je suis aussi sur Instagram. Merci beaucoup pour ce temps que vous venez de nous accorder. Et un dernier mot pour les auditeurs de Radio G, surtout pour l'émission Aide Afrique qui vous écoute en ce moment. Tout à fait. Donc, je tenais déjà à te remercier, Paul Brou, hein, parce que ça me fait beaucoup plaisir hein, que ma musique passe sur Aide Afrique. Merci aussi. Merci d'ailleurs toute l'équipe justement qui travaille à la Radio G. Hein, donc, un grand merci. Merci aux auditeurs aussi de m'avoir écouté. Et puis, je les invite à visualiser mon clip hein, qui a été fait dans 5 lieux différents. Donc ça a été un grand travail avec le producteur, avec le réalisateur Jean Doulis. Oui. Donc ça a été un plaisir. Donc tout ce que j'ai fait a été fait avec plusieurs personnes, avec la musique a été faite aussi avec Dave Martial, hein, qui est très connu en Guadeloupe, l'ingénieur du son, que je salue aussi. Donc en tout cas, j'invite les éditeurs à aller voir mon clip et j'espère qu'ils vont l'apprécier. En tout cas, un grand merci encore et merci à tout le monde, à toutes ces personnes qui m'écoute, à mes amis Facebook aussi, à ma famille, à tout le monde. Merci pour votre gentillesse. Prenez soin de vous et puis on se dit à bientôt. Oui, merci, à bientôt. Au revoir alors. Au revoir, merci. Ivy nous chante maintenant en son tambour. Soutenons l'artiste. Senti chaleur, réchauffé qu'est en moi. Wow, on sent ton bouger pour faire moi vibrer en tout sens. On sent ton bouger, on bondissant ton bouger. On sent ton bouger pour faire moi danser juste la nuit. On sent ton bouger, au moins on sent ton bouger. Feel alive to make me dance. Voyons son tombeau pour nous pas jamais oublier. Toute histoire en nous qui a remonté bien loin. On son tombeau pour nous rester soudés. Pour nous laisser l'amour briller en vie en nous. On son tombeau, yeah. On sent ton bouger pour faire moi danser juste la nuit. On sent ton bouger, au moins on sent ton bouger. Let me heal the drum beat, bringing joy to my life. Calling me to travel, calling me to bring peace and love. Écoutez son à tambour là, pour qu'on vous ait gardé. Mon bel petit son créole, pour faire voyager. We'll be right back. bon pour faire moi vibrer. Oh, sentant bon. On part au Cap-Vert pour retrouver Elida Ameda, qui revient avec son quatrième disque nommé Gerasonobu. Il est sorti le 11 novembre 2020, dans lequel elle confirme son statut de chef de file de la nouvelle génération de musiciens au Cap-Vert. On a choisi Funana avec la participation de son fidèle complice, le multi-instrumentiste et producteur capverdien Hernani Amelda, mais aussi du DJ producteur et musicien Blinky Bill. On devait la retrouver, c'était le 20 mars du côté de Thiercé, mais la crise sanitaire nous a privés de cette rencontre. Ça sera pour une autre fois. En attendant, voici Elida Amelda dans Funana. Santiago Pauna Mundo Cachas Mundernisa Dauli Riva Bulibachu Mundo Passa Fumo Vichado Santiago Pauna Mundo Cachas Mundernisa Dauli Riva Bulibachu Mundo Passa Fumo Vichado Homens com mulheres da filho Sirrija bico cubico, sorris de abasa galo canta, vinho Santiago de Santa Catarina, é funaná, é funaná, que dani seca tanto mundo, é funaná, é funaná, que bota rio bule mundo, é funaná, é funaná, é funaná, que se malo me canta sabe, é funaná. É funaná, que vai no pé da tabule. Gravata arrancar folhado, sapato já por um lado, lugar da vira quente, calça da pega luz. Gravata arrancar folhado, sapato de outro lado, lugar da vira quente, calça da pega lume. Homens com mulheres da vida, da cirrija bico com bico, soares da barra galo canta, vinho Santiago de Santa Catarina. É funaná, é funaná. É funaná, que voz é Mário da Bufa. É funaná, é funaná, é funaná, que bataruga é tata jata. É funaná, é funaná, é funaná, que voz vitória e tanto é funaná, é funaná, é funaná, que voz careta bulimu. E funaná, e funaná, e funaná, e funaná, e funaná, e funaná, e funaná, e funaná, e de pipa bonito, e funaná, e funaná, e funaná, que dele dura tanto mundo, e funaná, e funaná, e funaná, e está no braçal da canta do sábio, e funaná. É funaná, que boa no brilho da bufa. Diffuser nos artistes d'Afrique grâce à l'édition musicale Aide Afrique sur Radio G. Que pensez-vous de la musique d'Afrique? Réagissez sur notre page Facebook en nous envoyant un ou des messages. Merci les dames. Et du Cap-Vert, nous allons au Gabon pour retrouver une autre femme encore. Elle est là, elle est déjà prête sur le plateau. Il s'agit de Pamela Badjoko qui brise les barrières, enterre l'intolérance et rassemble les humains, mais aussi les genres musicaux au sein de son single Toto. Toto est le troisième extrait de son univers afro-pop Soul Bantu qui annonce son nouvel album Kaba pour 2021 si tout va bien. Pamela Badjogo, artiste chanteuse d'origine gabonaise, à vous tous qui écoutez l'émission, n'ayons pas peur de la différence et vive la musique, ça se passe sur Air d'Afrique. C'est le numéro de notre WhatsApp, le WhatsApp de Air d'Afrique, est à votre disposition. Vous pouvez déposer vos notes vocales sur notre WhatsApp, surtout pour vos vœux de fin d'année. Vous pouvez demander aussi une chanson. Merci à vous tous qui nous écoutez à travers radio-g.fr. Je sais que vous aimez notre radio. Et chers amis, je vais vous demander une faveur. Soutenez-la. Soutenez-la en faisant un don à notre association reconnue d'intérêt général. Vous contribuerez à son développement et à la réalisation de ses nouveaux projets culturels, radiophoniques et d'éducation aux médias. Radio G compte sur vous. Rendez-vous sur radio-g.fr dans la rubrique « Fais un don ». Votre participation sera déductible de vos impôts. Alors n'hésitez pas, chers amis. Merci encore et merci de votre fidélité. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On continue en musique. Hello, salut tout le monde. Je suis David Taïro. Faites comme moi. Suivez l'émission Aide Afrique sur la radio G. Merci. Une rythmique souple et hypnotique. Des guitares calypso qui ondulent et des cuivres jazz chaleureux. La musique I Love du Ghana rayonne sur Radio G et c'est dans Aide Afrique avec le chanteur Pat Thomas et Kwasi Bu Arena Band. On les écoute dans ce titre Ado en Kassa. Je vous signale que Pat Thomas, c'est l'une des plus grandes voix du Ghana qui a remis en avant son génie. Entre Afrobeat et funk africain, c'est une véritable incarnation. Oh, Aide-Afrique toujours aux côtés des nouveaux talents musicaux du continent africain. Ils étaient 10 finalistes au concours du prix découverte RFI côté musique. Et depuis le 10 décembre, nous connaissons le lauréat du prix découverte RFI 2020. Il s'agit de Young Eis Waye. Il est congolais. L'artiste est arrivé devant la chanteuse gabonaise Chanel et le collectif tchadien Décibel. Il faut signaler que le vote du public a par ailleurs plébiscité Chanel. Et quand nous avons tendu notre micro au vainqueur de cette compétition en lui demandant à qui dédiez-vous ce prix, voici ce qu'il nous a dit. Je voulais dédier ce prix à mon père, en fait. Nous allons écouter deux des finalistes et le lauréat même de ce concours. En premier, il s'agit de Young Eis Waye dans son titre Mbokoyo, et puis nous aurons Décibel avec son titre La Petite, Décibel qui est du Tchad, et puis nous aurons Mike Kayihura du Rwanda avec son titre en anglais, excusez-moi pour la prononciation, le titre s'appelle Trust Me, et on écoute nos pépites. Eh bien, je connais Céline Banza, je connais aussi Ouskora, Magie Diesel et Ndongo aussi. Mais comment tu les connais? Ah ben ça c'est parce que je suis l'émission Air d'Afrique de Radio G avec Paul Brou. Mille francs 500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. Dans le mal à l'aise. Oh Mbokanini, courante et courante. Mighty mighty, et Pelé à diplôme de salaté. Oh Mbokanini, courante et courante. Mighty mighty, et Pelé à diplôme de salaté. Mbokoyo trafic d'influence et loco pamba. Moke moke, tu sais qui je suis. Nakamu écoute naba chauffeur à 500 bah autour nape, tu sais qui je suis. Aussi si kodami ba poso bois kanandela oyo kasonite. Wana pe folle taille à kosala. Non non ya ya yonde aux asalité. On n'est pas tribaliste, faut pas nous diviser. Côte Kolinga ka équipa ka écoloté. On n'est pas des soulards, faut pas nous juger. On boit les bières parce qu'il y a pas l'eau au robinet. A pop up champagne, go enter for your eyes. You go feel what I feel, pain and joy at the same time. J'ai parlé, j'ai fini. Si t'es pas d'accord, j'suis pas là-bas. Abou Pierre. Oh Mbokanini, courante et courante. Mighty mighty, et Pelé à diplôme de salaté. Oh Mbokanini, courante et courante. Mighty mighty, et Pelé à diplôme de salaté. 1500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. Dans le mal à l'aise. La bière est moins chère ici que la nourriture. Faites un choix à tous les prix. Premier bêterait plus de millionnaires que l'État. C'est pas un débat, j'ai seulement dit. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Aucun débat et défaut de face. Bassi mentalité novelasse. Zangambongo, mais à la napelasse. Internet coûte ou colobaté. Ça en a parlé jusqu'à fatiguer. J'ai à peine guetté deux statuts sur WhatsApp. Cher client, votre forfait est épuisé. Si je me barre au stade, je vais faire un carton. Mais pour ça, il me faut un passeport. À la préfecture, on m'a dit, monsieur. Revenez demain, on n'a plus les cartons. Oh Mbokanini, courante et courante. Mighty mighty, et Pelé à diplôme de salaté. Oh Mbokanini, courante et courante. Mighty mighty, et Pelé à diplôme de salaté. 1500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. Dans le mal à l'aise. Ouais. Ghost banger on the track. Décibel. Aïe. So then I come to you. Trust me, I'm pulling up, trust me. Sang every day, go to pregame. Cause Wunga records that they waiting. Trust me, I'm pulling up, trust me. It's a red zone, every time I party with the random feeling. If I feel you, we going to the ends, but you're looking like 5-0. Mukanya in the soccer, keep your eye on me, Jimani Huta. I got the bill and I got the whole nine. I don't want any friends, tell them it's home time. I'm only set up for you. At least we ready to go to Yari to pull up a vroom vroom. I don't want any friends, tell them it's home time. I'm only set up for you. At least we ready to go to Yari to pull up a vroom vroom. I just need to make a move real quick. Get another bottle, then I come to you. Trust me, I'm pulling up, trust me. Sange vitego ye tu pregame. Kazunga records are they waiting. Trust me, I'm pulling up, trust me. Daje tu vunga vunga these streets. Stay hydrated, shorty, stay clean. All your friends are wavy, baby, kachonjo. Everybody else is fairly long gone. Daje tu saranganye this money. Kamakawa, I know you stay ready. I know the last time I left you so lonely. I got too hard to tell you I love you. I don't want any friends, tell them it's home time. I'm only set up for you. At least we ready to go to Yari. I pull up with vroom vroom. I don't want any friends, tell them it's home time. I'm only set up for you. At least we ready to go to Yari. I pull up with vroom vroom. I just need to make a move real quick. Another bottle, then I come to you. Trust me, I'm pulling up, trust me. Sange vitego ye tu pregame. Kazunga records are they waiting. Trust me, I'm pulling up, trust me. Notre talent est sur la piste et c'est notre coup de cœur de ce mois. Il nous vient du bord de la lagune Ébrié, du côté de la Côte d'Ivoire. C'est une star en gestation qui fait son chemin dans la sphère musicale. L'étoile montante de l'Afrobeat, il s'agit de B Prince qui nous fait danser sur ce titre qu'on appelle Monica. Merci à tous ceux qui nous viennent en aide pour faire la promotion de ces nouveaux talents. Et nous profitons pour souhaiter un bon dimanche à tous les Ivoiriens qui vivent ici en Anjou. Portez-vous bien, prenez soin de vous et écoutons et dansons sur ce nouveau son d'Afrobeat de notre cher ami B Prince. Me and you buy me a salmon, bro. Yeah, what bro, both three and hold you. I want that me go to me late. Oh, yeah, me a man and mama, let you get. Let me lay in me. Oh, yeah, me a man and baba, let you get. Let me lay in me. Me and me go to you, na come on, wadi. Monica. Me and me go to you, na come on, wadi. Monica. But I'm fine, let me go for you. But I'm fine. Let me go fine, but I'm fine. Let me go fine, but I'm up. Let me go fine. Okorijo kumnade, Monica come and go. Okorijo patam na. Bezunga lani mi o Monica, mi dale love o Yahweh. Bezunga lani mi o Monica, mi dale love o love. Bazunga la ni mi omoni Medale la vo ya we Bazunga la ni mi omoni Medale la vo la vo Laisse-les parler, c'est toi et moi. Le plus important ça se passe au fond de nous. Parmi milliers, c'est toi que j'ai choisi. Arrête de paniquer, fais-moi confiance. On délai team boyo Mboyo J't'assure que tu m'as hypnotisé. Hypnotisé. Je veux tout donner, je veux te prouver. À mes côtés, ton avenir sera ok. Te prends pas la main, te conduis devant le maire. Fais briller ton doigt. J'suis prêt même à tout encaisser. MJ qui m'a dit. J'suis prêt même à tout assumer. A déjà fini. Oh y'a mis le coup. Les billards. Les billards. Je ferai de toi ma miyama. Ma miyama. Oh y'a mis le coup. Les billards. Les billards. Je ferai de toi ma miyama. Mami yama, bazunga la ni mi omoni, medale la vo ya we, bazunga la ni mi omoni ka, medale la vo la vo, bazunga la ni mi omoni, medale la vo ya we, bazunga la ni mi omoni ka, medale la vo la vo. Oni na yamba, mikori mikori, oni na yamba, oni, mon bébé viens danser, mikori mikori, oni na yamba, oni. Les gars tu les show, les gars tu les show, les gars au les show, les gars les show, les gars tu les show, Salut, salut à tous, moi c'est Ayodele, je suis artiste chanteuse, percussionniste béninoise. Restez toujours connectés sur la radio G pour écouter la musique d'Afrique. Peace. Amor, amor por no cumpo, amor de. c'est Chantal Taïba. Je vous invite à suivre l'émission Air d'Afrique sur Radio Angers. Le plus beau vêtement de la femme, c'est les bras de l'homme. vive les cultures, vive les traditions, vive la paix. La musique et les cultures, c'est toujours considéré comme la clé de la paix. C'est la part de Baba Sissoko, le griot malien. Un grand merci à tous nos amis artistes qui nous ont prêté leur voix afin d'animer cette émission. Et à mes auditeurs, je vous signale que les 3 et 10 janvier 2021, ce sont deux dates à retenir et à marquer dans vos agendas. Nos artistes, nos collaborateurs seront avec nous pendant ces deux émissions pour vous adresser leurs vœux. Il y aura des artistes comme Alpha Blondie, comme Mopao Koffi Olomide, comme Zalika la chanteuse, comme Nkoulé Doubé, la fille de Feu Lucky Doubé, Baïs Pinto, Elida Amelda, Clarisse Kiria Mekongo et tant d'autres. Donc, retenez bien ces deux dates, les 3 et 10 janvier 2021. Ça sera une émission spéciale Vœux des artistes aux auditeurs. Maintenant, nous continuons bien sûr en musique. Et sur le plateau, c'est le chanteur Soul Dreddé qui est de retour avec son nouveau titre qui s'appelle Combattre le punk. Ce titre est tiré de son futur album, un deuxième album en carrière qui s'annonce être très funk. Voici Dreddé. Sans avoir yo gaye nan la ria pou yo ka Che manje che sel sa yo konen ki pe nou pa kalpi douva Boye li mye pa bo isi pou nou ka klere Berdi di mwa Show you all Get up, stand up, you know you gotta do it Komba, komba Je suis la chanteuse Kiria Mukongo. Retrouvez-moi sur Air d'Afrique avec le grand frère Paul Brou. Alors, à bientôt! abandonné. Aberga suski, adik nengana ne sulugi. Wanita kabarni, anjang anjangé. Aberga wandi, tu abandonné. Aberga suski, adik nengana ne sulugi. Salut, je suis Serge Kassi. Vous êtes sur l'émission Air d'Afrique. Wa wa wa wa wa, Samori, un ami révolté. Wawa wawa zone son Mandela, un ami révolté. Wawa wawa Stibiko, un ami révolté. Wani se eyadi ni watio, ene mi revolte. Wani hani ke eyadi ni watio, ene mi revolte. Wani se eyadi ni watio, ene révolté. Wani hani ke yadini wadio te ene mi révolté. Mi révolté. Notre émission est terminée. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Restez à l'écoute des programmes de notre radio, la radio G, la radio Angevine. Chaque jour est un moment de bonheur. On se retrouve, je l'espère, bien dans 15 jours pour un nouveau rendez-vous. Vous pouvez bien sûr d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de notre radio que je vous donne, www.radio-g.fr, rubrique des podcasts, j'espère qu'il marchera cette fois-ci. Vous avez aussi le moyen de réagir, comme vous le faites depuis longtemps, sur notre page Facebook. Aide Afrique, prenez soin de vous et passez la plus belle soirée possible. On vous laisse bien sûr en musique avec nos amis de l'Afrique du Nord. Il s'agit des Am Diab, l'Égyptien, dans son titre qui s'appelle Yabalna Ya Elwa. Il est le premier artiste arabe à figurer dans le livre des records au nombre des récompenses reçues à travers le monde. Et le deuxième, c'est Chedi Ami, le Tunisien, avec son titre qui s'appelle Kweni Kwani. Il est considéré comme l'un des premiers chanteurs en Tunisie. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة والناس الحلوة في بلدنا كتير يا بلدنا يا حلوة أحلى صورة منصورة بأهلها. في وش جامع في بلدنا العيد عيدين حبيبي